إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue ce soir la lecture et l'explication du poème Al-Ha'iyya, écrit par Al-Hafidh Abu Bakr Abdullah ibn Abi Dawood al-Sijistani, rahimahullah ta'ala. Il a donc dit, rahimahullah, وَلَا تُنْكِرَنَّ جَهْلًا نَكِيرًا وَمُنْكَرًا وَلَا الْحَوْضَ وَالْمِيزَانَ إِنَّكَ تُنْسَحُ. Et ne renie pas Nakir et Munkar par ignorance. Ceci t'est conseillé aussi pour le bassin et la balance. Donc dans ce vers, l'auteur, rahimahullah ta'ala, ainsi que dans les vers qui vont suivre et que l'on verra dans les prochains cours, il parle de questions liées à la foi au jour dernier. Et la foi au jour dernier, comme on a dit, c'est un des six piliers de la foi qui ont été mentionnés dans le célèbre hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, appelé hadith Jibril. Lorsque l'ange Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme, et l'a questionné au sujet des trois degrés de la religion, au sujet de l'islam, au sujet de la foi et au sujet de la bienfaisance. Et lorsqu'il lui a dit « Informe-moi au sujet de la foi », le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » On voit donc qu'il a mentionné la foi au jour dernier parmi les six piliers de la foi. Et ces piliers, on retrouve certains d'entre eux dans le Coran qui sont parfois réunis et parfois mentionnés séparément. Mais celui qui médite sur le Coran verra que l'on retrouve très souvent dans de nombreux versets la foi au jour dernier mentionné immédiatement après la foi en Allah. Souvent dans le Coran, vous trouverez par exemple « Man amana billahi wal yawmil akhir » ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Ou alors on trouve aussi dans le Coran « Yu'minuna billahi wal yawmil akhir » ils croient en Allah et au jour dernier. Donc dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la foi au jour dernier immédiatement après la foi en lui subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous montre l'importance de ce fondement qui fait partie des six piliers de la foi. Et quiconque renie la foi au jour dernier, en disant par exemple qu'il n'y a pas de résurrection, et que la vie n'est que la vie d'ici-bas, et qu'après celle-ci il n'y a pas de vie, alors celui-ci est un mécréant. Car, en affirmant cela, il a démenti ce qui est confirmé très clairement dans de nombreux textes du Coran et de la Sunnah. C'est donc comme s'il avait traité de menteur Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est opposé ainsi à l'unanimité des musulmans. Car la foi au jour dernier fait partie des choses nécessairement connues de la religion. Et il ne fait aucun doute que celui qui renie la résurrection est un mécréant. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran au verset 7 de Surat al-Taghabun, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. Ceux qui ont mécru, les mécréants, prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a clairement nommés mécréants. Pourquoi? Car ils prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Ils pensaient qu'il n'y aurait pas de vie après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet dans le Coran au verset 29 de Surat al-An'am, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Et ils disent, il n'y a pour nous pas d'autre vie si ce n'est celle d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. Donc, les mécréants, que ce soit ceux de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ceux d'aujourd'hui, ils renient pour beaucoup la résurrection. Et ils n'ont cela aucune preuve ni aucun argument. Leur seul argument est de dire, comment pourrons-nous être ressuscités alors que, après notre mort, nous serons réduits en poussière? Ils pensent donc que revivre après la mort est une chose impossible selon eux. Comme on le trouve dans le Coran, dans Sourate Yassine, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. Ce raisonnement a poussé les mécréants à renier la vie après la mort. Et ils n'ont même pas réfléchi à leur propre création. Avant de vivre, existions-nous? Nous n'étions pas présents, nous n'existions point. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés alors que nous n'étions pas existants. Qu'est-ce qui l'empêche donc, à plus forte raison, de nous faire revivre après la mort? Il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Yassine, donc dans ce verset, le verset 78, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ. Il dit qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. Allah subhanahu wa ta'ala répond ensuite à cette ambiguïté et dit قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Dit celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Et il connaît parfaitement toute sa création. Celui qui les a créés une première fois, à partir du néant, qu'est-ce qui l'empêche de leur redonner la vie une fois devenu ossement et poussière? Dans le verset de Sourate At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de jurer par son Seigneur que nous serons ressuscités. Il lui dit Qul bala wa rabbi. لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dis, mais si je jure par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscité, puis vous serez certes informé de ce que vous faisiez, de vos œuvres. Puis il termine en disant, et cela est facile pour Allah. Ceci est une chose simple pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les mécréants, se reposant sur leur raison, ont renié le fait qu'il puisse y avoir une vie après la mort. Également, les gens de science ont mentionné que s'il n'y avait pas de résurrection, ni de rétribution en fonction des œuvres, la création des djinns et des hommes serait vaine. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait-il créés en laissant le libre arbitre à ces créatures d'œuvrer dans le bien ou d'œuvrer dans le mal, puis ensuite, ils meurent tous et sont laissés ainsi sans rétribution. Il n'y a pas de doute que ceci s'oppose à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son équité. C'est pour cela qu'il dit au verset 115 et 116 de Sourate Al-Mu'minun أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créés sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Qu'il soit exalté. Il n'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé la création en faisant descendre des livres, en envoyant des messagers, en commandant des ordres, en adressant des interdits, puis qu'ensuite qu'il délaisse ceux qui ont suivi ces messagers et ceux qui les ont reniés, sans rétribuer ceux qui ont œuvré dans le bien et ont cru, et châtier ceux qui ont mécru et œuvré dans le mal. Ceci s'oppose à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va donc faire revivre les gens et les ressusciter. Et il va rétribuer en bien le croyant en raison de sa foi et rétribuer le mécréant en fonction de sa mécréance. Comme il dit subhanahu wa ta'ala au verset 27 et 28 de Sourate Sa'd, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu, c'est-à-dire le feu qui les attend. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kal mufsidina fil ard? Am naj'alu al-muttaqina kal fujjar? Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou bien traiterons-nous les pieux comme les pervers? Voyez donc que ceci s'oppose à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les pieux et les pervers soient abandonnés après leur mort et qu'ils ne soient pas rétribués en fonction de leurs œuvres. Donc, ceci nous indique également que nous serons ressuscités après la mort. Car cette vie d'ici-bas est la demeure des œuvres. Nous ne sommes ici que pour œuvrer, pour prendre nos provisions pour l'au-delà, qui est la demeure de la rétribution. Et telle est la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour le musulman d'avoir foi au jour dernier. Et lorsqu'on parle de la foi au jour dernier, il faut savoir que celle-ci englobe la foi en tout ce qui aura lieu après la mort. Entre dans cela les questions qui seront posées aux serviteurs dans la tombe, également la foi au châtiment de la tombe et en ses délices, également le fait que les gens sortiront de leur tombe et seront ressuscités, également le fait qu'ils seront rassemblés, et tout ce qui aura lieu après cela, jusqu'à l'entrée des gens du paradis au paradis, et l'entrée des gens de l'enfer en enfer. Tout ceci fait partie de la foi au jour dernier, et tout ceci est démontré par de nombreux textes dans le Coran et la Sunna. Il est donc obligatoire pour le croyant d'avoir foi en cela. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé ici trois questions liées à la foi au jour dernier, qui sont le questionnement dans la tombe, ainsi que la foi au bassin, c'est-à-dire le bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la foi en la balance. Donc en ce qui concerne le questionnement dans la tombe, ceci fait partie des premières étapes de la vie après la mort, lors de la vie dans ce que l'on appelle el-barzakh, la vie intermédiaire entre celle d'ici-bas et celle de l'au-delà. Une fois le mort placé dans sa tombe, et la tombe recouverte de sa terre, lorsque les gens qui ont assisté à son enterrement s'en vont, il entend leur pas. Et c'est alors que deux anges viennent à lui, qu'il l'assoit et lui pose les trois questions suivantes. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? S'il répond à ces trois questions par des réponses justes et correctes, alors il aura réussi et obtenu le salut. Et s'il n'arrive pas à répondre, il sera alors du nombre des perdants et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ici dans ce poème, et ne renie pas Nakir et Munkar par ignorance. Nakir et Munkar, qui sont les noms de ces deux anges qui viennent interroger le mort après son enterrement. Il te dit ici, ne les renie pas par ignorance. Car nombre de personnes, lorsqu'elles ignorent une chose et qu'on les informe d'une chose qui auparavant elles ignoraient, elles ont parfois tendance à renier cette chose sous prétexte qu'elles l'ignorent. Comme dit le proverbe, l'homme est ennemi de ce qu'il ignore. Mais il faut savoir que ce n'est pas toute chose que tu ignores et dont tu n'as pas connaissance que tu dois renier ou que tu dois réprimander. Mais il est obligatoire pour le croyant, comme on l'a vu dans les cours précédents, de revenir pour cela au texte du Coran et de la Sunna. Et tout ce qui est confirmé dans les textes du Coran et de la Sunna, tu te dois d'y croire avec certitude, sans avoir aucun doute à ce sujet. Même si tu ne comprends pas cette chose, à partir du moment où elle est confirmée dans les textes, tu te dois d'y croire avec certitude. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet au verset 39 de Sourate Yunus, Bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne savaient pas et ce dont ils ne connaissaient pas l'interprétation. Et ceci s'oppose au comportement que doit avoir le croyant. L'obligation pour le croyant est d'avoir la ferme conviction que tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam est vérité. Même si tu n'arrives pas à le comprendre, même si tu n'arrives pas à le saisir. Car viendra un temps ou viendra un moment où tu comprendras cette chose et la saisiras. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Chaque annonce arrive en son temps et bientôt vous le saurez. Chaque chose en son temps. À partir du moment où tu sais que cette chose est venue dans les textes du Coran et de la Sunna, tu y crois. Même si tu ne le comprends pas, il viendra un temps où tu comprendras cette chose et la saisiras. بِإِذْنِ ta'ala. Et l'obligation pour toi, c'est d'avoir la certitude que tout ce qui est dans le Coran et la Sunna est vérité. Car le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit à son sujet, La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc, tu ne dois pas t'en remettre à ta raison, à ta compréhension, et notamment en ce qui concerne les choses de l'invisible. Mais tu dois revenir pour cela comme pour le reste de tes affaires religieuses à ce qui est venu dans le Coran et la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je dis cela car il y a certaines personnes qui pourraient dire: comment pouvez-vous affirmer que la personne est châtiée dans sa tombe après son enterrement, qu'elle est interrogée et assise, alors que si quelqu'un creusait et ouvrait la tombe après l'enterrement, il verrait que le corps n'a pas bougé, comme certaines personnes pourraient le prétendre. Toutefois, il est nécessaire de comprendre que ce qui est mentionné concernant le châtiment de la tombe n'a pas lieu dans cette vie. Il n'a pas lieu dans la vie d'ici-bas. Une fois la personne morte, elle passe dans le monde du barzakh, le monde intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire que tu ne vas pas forcément voir, observer de tes yeux ou entendre de tes oreilles, et qui sont pourtant vérité. Un simple exemple de cela que chacun d'entre nous peut observer. Lorsque quelqu'un dort, il peut faire de nombreux rêves, et il peut vivre de nombreux événements durant ses rêves. Et toi, tu peux être assis à côté de lui, éveillé, et le voir allongé dans son lit, sans que rien ne se passe. Pourtant, lui, il peut ressentir des frayeurs, avoir des sensations, et ainsi de suite, sans que les gens éveillés autour de lui ne s'en rendent compte. Donc ceci est un simple exemple que l'on peut observer de nos yeux. Alors que dire de ce qui concerne la vie après la mort? Quoi qu'il en soit, l'essentiel et de ne pas se reposer sur nos raisons ou sur les observations de certaines personnes ignorantes qui pourraient faire objection à ce qui est prouvé clairement par les textes du Coran et la Sunna de par leurs raisonnements, leurs réflexions, leurs expériences. Tout ceci est à rejeter. Mais ce qui est accepté, c'est ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit « Innaka tunsahu ». Ceci t'est conseillé, c'est-à-dire je te conseille de ne pas renier ces choses, de ne pas renier le questionnement dans la tombe, de ne pas renier l'existence de ces deux anges, Nakir et Munkar, de ne pas renier le bassin, de ne pas renier la balance, et ainsi de suite parmi les choses de l'au-delà. Tout ce qui est confirmé dans les textes du Coran et de la Sunna, tu te dois d'y affirmer avec certitude, et ne pas faire comme les gens de l'égarement à l'exemple des Mu'tazila, qui se sont reposés sur leurs raisons et sur leurs réflexions et qui ont renié nombre de choses parmi les choses liées au monde de l'invisible et à l'au-delà. Le croyant, il se doit de prendre garde à cette voie et de suivre les textes, de suivre les textes du Coran et de la Sunna et de croire en tout ce qui est authentique parmi cela. Ceci est ce qui est imposé par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la foi au jour dernier. Donc on a dit que la première question que l'auteur rahimahullah ta'ala a abordée ici, c'est le questionnement dans la tombe et la venue de Munkar et Nakir, qui viennent au mort, l'assoient dans sa tombe et lui posent les questions que l'on a mentionnées. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Le croyant, il répondra aisément à ces questions. Lorsque les anges lui diront qui est ton Seigneur, il répondra alors mon Seigneur est Allah. Lorsqu'ils lui diront quelle est ta religion, il répondra ma religion est l'islam. Lorsqu'ils lui diront qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé, c'est-à-dire qui est ton prophète, il répondra il est le messager d'Allah. Enfin, ils lui diront qu'en sais-tu? Il répondra j'ai lu le livre d'Allah, j'ai eu foi en lui et j'y ai cru. Regardez, j'ai lu le livre d'Allah, j'ai eu foi en lui et j'y ai cru. Je ne suis pas revenu à ma raison, je ne suis pas revenu à ma réflexion, à mes observations, mais j'ai lu le livre d'Allah, j'ai eu foi en lui et j'y ai cru. Après cela, on clamera depuis le ciel, mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit du paradis, des vêtements du paradis, ouvrez-lui une porte ouvrant sur le paradis. Alors, le serviteur recevra l'avant-goût et la fraîcheur du paradis. On lui élargira sa tombe à perte de vue, et un homme au visage radieux et aux beaux vêtements se présentera à lui et lui dira: je t'annonce la bonne nouvelle de ce qui te réjouit. Voici le jour qui t'était promis. Le serviteur dira alors à cet homme, Qui es-tu? Et l'homme de lui répondre, Je suis ton œuvre pieuse. Il dira alors, Ô Seigneur, fais venir l'heure. Ô Seigneur, fais venir l'heure, que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Telle sera la situation du croyant lorsqu'il sera dans sa tombe et que ces questions lui seront posées. Il sera pressé que l'heure vienne car il saura. Il sera pressé que l'heure vienne car il aura vu un aperçu d'eux, des délices du paradis. Il sera donc pressé d'entrer au paradis et de rejoindre sa famille. Quant à l'hypocrite, lorsqu'il sera placé dans sa tombe et que son âme sera ramenée à son corps, et que les anges se présenteront à lui et le mettront assis, et lui poseront les trois questions: Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il ne saura pas répondre. Les deux anges vont lui dire, Qui est ton Seigneur? Il répondra, Ah, je ne sais pas. Ils vont lui dire, Quelle est ta religion? Il répondra, Ah, je ne sais pas. Ils vont lui dire, Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il répondra, Ah, je ne sais pas. Et ce car il n'avait pas la foi ici-bas. Même si il se peut qu'il ait extériorisé l'islam en apparence, mais étant donné qu'il reniait cela dans son cœur et qu'il n'avait pas la foi, il ne pourra pas répondre à ces questions. Mais il dira seulement, J'ai écouté les gens. Dire une chose et je l'ai dite. Telle est la situation de l'hypocrite lorsqu'il sera dans sa tombe. Peut-être qu'ici-bas il priait, peut-être qu'ici-bas il jeûnait, mais dans son cœur, il cachait la mécréance et n'avait pas la foi. Même si ici-bas il était instruit, même si ici-bas il avait appris de nombreux livres, à partir du moment où il cachait cette mécréance dans son cœur, il ne pourra pas répondre à ces questions si ce n'est Ah, je ne sais pas. On clamera alors depuis le ciel, Préparez-lui un lit de l'enfer et des vêtements de l'enfer. Ouvrez-lui une porte ouvrant sur l'enfer. C'est alors que chaleur et vent brûlant viendront à lui et que sa tombe sera rétrécie à tel point que ses côtes se croiseront. Puis un homme au visage laid, aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde lui dira, Je t'annonce la nouvelle de ce qui t'afflige. Voici le jour qui t'était promis. L'hypocrite dira alors, Qui es-tu, puisque ton visage présage du mal? Il répondra, Je suis ta mauvaise œuvre. L'hypocrite dira alors, Ô Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Ô Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Il aura peur de la venue de l'heure, car lorsqu'il verra ce châtiment, qu'il sentira la chaleur et le vent brûlant venant de l'enfer, il saura avec certitude que ce qui vient après cela sera encore plus douloureux. Wal'iyadhu billah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et tout ceci est confirmé dans différents hadiths, et notamment dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Abu Daoud, et authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion à cela dans sa parole. Au verset 27 de Sourate Ibrahim, lorsqu'il a dit Subhanahu wa ta'ala, Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, celui qui est ferme sur sa religion, qui met en pratique sa religion avec véracité, qui ne se contente pas de simples mots ou de simples prétentions, qui a conscience que l'attestation Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ce ne sont pas des simples termes qu'il prononce avec sa langue, mais que ceci exige de lui des choses, des œuvres. Celui qui était ferme sur cela et mettait réellement en pratique cela, Allah subhanahu wa ta'ala le raffermira dans l'au-delà. C'est-à-dire lorsque les anges le questionneront dans sa tombe, il pourra répondre de manière correcte à ces questions. Car dans la tombe, ce n'est pas simplement de la mémorisation, ce n'est pas comme ici-bas. Ici-bas, si on vous demande qui est votre Seigneur, vous répondrez avec aisance, Mon Seigneur est Allah. Mais dans la tombe, c'est la réalité de ce qu'il y avait dans ton cœur qui fera que tu répondras ou non à ces questions. Quant à l'hypocrite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, dans la suite du verset, وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ Et Allah égare les injustes. Ils ne pourront pas répondre à ces questions. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc tout cela, comme on a dit, est confirmé dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième sujet ou la deuxième question liée à la foi en l'au-delà qu'a abordé l'auteur rahimahullah ta'ala ici, c'est le bassin. c'est-à-dire le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui aussi est confirmé dans de nombreux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, mon bassin est d'une distance parcourue en un mois. Son eau est blanche comme le lait. Son odeur est plus agréable que celle du musc. Et ses vers sont comparables aux étoiles dans le ciel. Celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ceux qui boiront du bassin de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viendra s'abreuver de ce bassin. Et en seront rejetés tout innovateur et tout apostat. Les apostats seront rejetés de ce bassin. Et lorsqu'ils s'en approcheront et qu'ils sont rejetés et éloignés et écartés, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogera à ce sujet pourquoi ils sont écartés, on lui dira car ils n'ont cessé de revenir sur leurs pas, c'est-à-dire d'apostasier, de délaisser leur religion, l'ayadu billah. Et il y a une deuxième catégorie de personnes qui sera rejetée et éloignée du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les innovateurs. Et il sera dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur sujet, tu ne sais pas ce qu'ils ont instauré après toi. Donc tous ceux qui instaurent des innovations en religion, comme les Mu'tazila, ou les Khawarij, ou les Shia, et autres, parmi les groupes égarés, parmi les groupes des gens des passions et des innovations, qui instaurent dans la religion ce qui n'en fait pas partie, ils seront alors écartés et privés du bassin du prophète au jour de la résurrection. Quant à celui qui s'est fermement accroché à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde, et qui a mis en pratique la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde, alors il pourra boire de son bassin, et après cela, il n'aura plus jamais soif. Donc médite à ce sujet. Médite à ce sujet et médite sur la situation des gens au jour de la résurrection. Lorsque le soleil sera rapproché, que les gens baigneront dans leur transpiration. Ce moment où les gens auront grand besoin de s'abreuver et que les innovateurs et les apostats seront repoussés de ce bassin. Et que les croyants qui sont restés fermes sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam iront s'en abreuver. Médite sur cette situation et fais les efforts dès aujourd'hui pour être parmi ceux qui ne seront pas privés du fait de boire de ce bassin. Et pour ce faire, tu te dois de t'accrocher fermement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, la troisième chose que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ici, c'est la balance. C'est-à-dire la balance sur laquelle seront pesées les œuvres, ainsi que les registres des œuvres, ainsi que l'auteur des œuvres, comme cela est confirmé dans différents textes. Et cette balance, c'est une balance réelle, qui a deux pesants. Un pesant sur lequel seront posées les bonnes actions et un pesant sur lequel seront posées les mauvaises actions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Mu'minun, au verset 102 et 103, « فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat al-Qari'ah فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa destination sera un abîme très profond. Donc les œuvres seront pesées. Les bonnes actions seront placées dans un pesant de la balance et les mauvaises actions dans l'autre pesant. Et ceci fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son équité car il ne laisse personne parmi ses créatures, mais il les rétribue avec équité en fonction de leurs œuvres. Et comme on a dit, cette balance, c'est une balance réelle, en laquelle il est obligatoire pour nous de croire, et ne pas faire comme l'ont fait les Mu'tazila, qui ont renié le fait que cette balance soit réelle, et qui l'ont altéré son sens en disant que la balance correspond à l'équité, et que ceci est quelque chose d'abstrait, c'est une image. Mais ce qui est visé, c'est qu'il y aura l'équité entre les serviteurs. Et ils n'ont aucune preuve de cela, aucune preuve de cette altération et de cette fausse interprétation des textes très clairs du Coran et de la Sunna au sujet de la balance. Il est donc obligatoire pour nous de croire en cela, de croire au questionnement dans la tombe, de croire au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de croire en la balance. Et tout ceci, comme on a dit, fait partie de la foi au jour dernier. Et cette foi au jour dernier, elle comprend de nombreux bénéfices. Parmi ces bénéfices, il y a le fait que tu vas ainsi concrétiser la foi en l'un des six piliers de la foi, qui est la foi au jour dernier. Deuxièmement, la foi au jour dernier, elle va te pousser à faire de grands efforts dans les bonnes œuvres, en espérant être rétribué en bien pour celles-ci, en espérant que ta balance de bonnes actions soit une balance lourde, et ainsi être élevé au paradis et que tes péchés soient pardonnés. Également, parmi les bénéfices de la foi, au jour dernier, il y a le fait que cela va te pousser à t'écarter des péchés et des mauvaises actions. Car lorsque ton âme, incitatrice au mal, t'appellera à commettre un péché, tu vas te rappeler que tu as un Seigneur qui t'observe et que tu seras rétribué pour cette mauvaise action si tu la commets. Donc, tu vas t'en écarter. Et si par moment tu faiblis et que tu tombes quand même dans le péché, alors en te rappelant du jour dernier, ceci va te pousser à te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et à implorer son pardon. Et ce afin de rencontrer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala qu'après qu'il t'ait pardonné ce péché. Donc tu vas t'empresser de te repentir, t'empresser d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Par peur de la sanction dans l'au-delà. Donc ceci fait partie des avantages immenses de la foi au jour dernier. Également, parmi les avantages et les bénéfices de la foi au jour dernier, il y a le fait que cela console le croyant lorsqu'il est éprouvé ici-bas, ou lorsqu'il y a des choses qu'il souhaite obtenir ici-bas et qu'il n'arrive pas à les atteindre. Il se rappelle que cette vie est éphémère, qu'il n'est que de passage, et que son objectif n'est que de prendre ses provisions pour l'au-delà. Alors, il se rassure, œuvre dans le bien, et espère obtenir ce qu'il désire, et bien mieux encore, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien sont ceux qui, ici-bas, espèrent certaines choses parmi les biens de ce bas monde, parmi ses plaisirs et autres, et ne les obtiennent pas? Au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Lahum ma yasha'una fiha. Ils auront ce qu'ils veulent, les gens du paradis. Donc le croyant, cela le console, et ça l'aide à patienter face aux difficultés qu'il peut rencontrer ici-bas. Également, parmi les bénéfices et les avantages de la foi au jour dernier, il y a le fait que cela pousse le serviteur à sans cesse œuvrer dans le bien. Car tu ne sais pas quand tu vas mourir. Donc, tu vas multiplier les efforts pour avoir une bonne fin et pour mourir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et prendre garde à t'écarter des péchés et des mauvaises actions afin de ne pas mourir dans cette situation. Wal'iyadhu billah. Et enfin, parmi les bénéfices et les avantages de la foi au jour dernier, il y a le fait que l'homme reste ferme sur sa religion ici-bas, afin d'être raffermi dans l'au-delà. Et être ferme, cela signifie être ferme sur le tawhid et la sunnah. Être ferme en vouant ses œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et en s'écartant de toute forme de polythéisme. Et être ferme dans son suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en prenant garde à toute chose nouvelle en religion, à toute innovation, et en se conformant exclusivement au texte du Coran et de la sunna, et en s'écartant de toute forme de fanatisme ou de suivi aveugle de ceux qui ont altéré les textes du Coran et de la sunna et les ont expliqués en fonction de leur passion, de leur raison, de leur réflexion. Mais le croyant ne revient qu'à ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la sunna et qui a été affirmé par les grands imams de l'islam des premières générations conformément à ce qui est venu dans ces textes. Ainsi, si le croyant œuvre ici-bas, il sera, bi'idhnillahi ta'ala, raffermi dans l'au-delà. Ceci fait partie donc des bienfaits et des bénéfices de la foi au jour dernier. Bien sûr, les bienfaits et les bénéfices sont bien plus nombreux, mais ceci n'est qu'un simple aperçu de cela. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا